vers la fin des années 90. Ça parlait en red bas, je t'appelle skate bas ou peut-être pas, je me rappelle plus très bien fils. Tu vois les grands, la tête, squatter les bancs, leur caisse, briller mon plan, c'était d'être dans leur caisse, les chefs. Samy, le king du ghetto, disait j'étais de la famille, sans avoir fait tôle. Samy était tigeant, ses dents brillaient comme ses jambes. Et les gens disaient genre, c'était une légende, niveau genre à moi. J'étais dans l'ombre, j'avais la dalle et les dents longues, fille. J'ai fait du chiffre dans ma ville natale. Mon buzz est remonté jusqu'à l'oreille du boss. Et même les condés se sont demandé qui était ce gosse. Samy m'a dit, t'as pris du galon, t'es des notes. Ça dit mardi, un casse, ça dit de partir. Lui et moi, on a tout fait. Il m'a tout appris, comment la vendre, comment la couper, à la fermer. Et apprendre, mais j'étais pas un gangster, non, juste un mec paumé qui à long terme cherchait un grand frère. Ce frère c'était Samy Moine. J'étais qu'un môme, je voulais être un homme. Je sais pas comment je suis devenu un animal. Ça comment je connaissais la fin, te jure man. Car nos histoires finissent toujours mal ou dans le journal. Fasciné par ceux qui vendent et se cachaient. Pourtant j'savais que je finirais dans vendre de la bête. Avant que ça commence, je connaissais la fin, te jure man. Car nos histoires finissent toujours mal ou dans le journal. Fasciné par ceux qui vendent et se cachaient. Pourtant avec, je finirai dans vendre de la Samy paix. Avait un bras droit, mousse, ce mec qui brassait des bars. Il débarque et de Lyon se clébar, je l'aimais pas. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il sortait avec mon ex. J'étais pauvre, il passait en cab et il se foutait de mon ex. Il m'a vu prendre du galon, donc il a pris des boules. Moi j'ai pris des bars, il fait des bars, bouse dès le départ, cousse. On sait qui sont les traîtres, qui sont nos copains. Y'avait des jaloux, les casse-couilles, Samy s'en occupait. Sauf mousse, il disait, dans le biche, je prenais trop de poids. Ce cinglé, c'est pas que j'aurais pu le flinguer trop de fois. J'ai dit à Samy, mousse, je vais l'exploser. Il m'a répondu qu'il en avait marre, qu'il voulait se poser. L'autre jour, il m'a dit arrête tout, sois pas idiot. Moi je prends Dieu, merde, trouve un job, arrête ton idiot. T'es mon idole depuis le lycée. Mais mousse lui prenait son flouze, car Samy sera mollissé. Avant que ça commence, je connaissais la fin, te jure man. Car nos histoires finissent toujours mal ou dans le journal. Fasciné par ceux qui vendent et se cachaient. Pourtant j'savais que je finirais dans vendre de la bête. Avant que ça commence, je connaissais la fin, te jure man. Car nos histoires finissent toujours mal ou dans le journal. Fasciné par ceux qui vendent et se cachaient. Pourtant j'savais que je finirais dans vendre de la paix. Samy n'avait plus l'envie, il a perdu sa rage et ses crocs. En gros, tous les bons coups étaient pour mou, c'est son crew entre eux. C'est con, attaquer Samy sous tous les angles, man. Putain, j'pouvais pas les laisser parler mal de ma légende. Pendant ce temps, mousse était au summum. Samy s'en foutait, il me parlait que de Dieu et de son monde. Il me disait, dès que j'suis daron, j'me barre en Afrique. Le business, j'arrête, Mago, Jeannette accouche en avril. J'ai convaincu de faire un dernier coup pour qu'il prenne un peu de sous. Il m'a dit un coup après, j'arrête tout. En fin de compte, c'était le coup de trop, la goutte d'eau. C'est con de Condé, nous guetter depuis la goutte d'or. Ça a tiré, Samy a pris une balle pile au cœur. La rue dit que mousse a passé un coup de fil au cœur. La sanction à Paname est lourde. J'ai lu dans un canard qu'on a retrouvé mousse dans le canal de l'ours. J'suis pas passé aux aveux, mon baveux dit que c'est une bêtise. Samy est mort et short dans deux piges. Avant que ça commence, je connaissais la fin, te jure man. Car nos histoires finissent toujours mal ou dans le journal. Fasciné par ceux qui vendent et se cachaient. Pourtant j'savais que je finirais dans vendre de la bête. Avant que ça commence, je connaissais la fin, te jure man. Car nos histoires finissent toujours mal ou dans le journal. Fasciné par ceux qui vendent et se cachaient. Pourtant j'savais que je finirais dans vendre de la bête. Avant que ça commence, je connaissais la fin, te jure man. Car nos histoires finissent toujours mal ou dans le journal. Fasciné par ceux qui vendent et se cachaient. Pourtant j'savais que je finirais dans le ventre de la bête. Avant que ça commence, je connaissais la fin, te jure man. Car nos histoires finissent toujours mal ou dans le journal. Fasciné par ceux qui vendent et se cachaient. Pourtant j'savais que je finirais dans le ventre de la bête.